Un fuelle spécial. Mon employeur m'envoie en Iran. Je débarque souriant à Téhéran. Dans cet état du Proche-Orient, une foule de gens me parle persan. Je voyage le micro à la main en observant un troupeau de daims. Je traverse une parcelle au coin d'une ruelle imprégnée de terre lamante. Je perçois une silhouette menaçante, un mélange de serial killer et de Val Kilmer. La trouille me chatouille. Je vous emmène au cœur de l'action dans une des plus anciennes civilisations. En parcourant les terres, les rivages, j'enregistre une musique reportage. Je prends des photos sur ma route, il fait beau, c'est le mois d'août. Avec des jeunes, je déjeune et je fais un foot. Il confie un tir son harmonica et déploie un bazooka. Aucune issue s'offre à moi, je suis cerné sur cette voie, tels les yeux d'un insomniaque. J'ai même pas de matraque et son viseur me braque. Monte alors mon trac, je sens qu'il me traque. Je deviens écarlate, de m'exterminer, il a hâte, la foule me mate. Pour me défendre, j'ai que ma cravate. Je l'envoie dans un ailleurs meilleur, je cache le corps dans un bunker. Je vous emmène au cœur de l'action, dans une des plus anciennes civilisations. En parcourant les terres, les rivages, j'enregistre une musique, reportage. Je prends des photos sur ma route, il fait beau, c'est le mois d'août. Avec des jeunes, je déjeune et je fais un foot. La suite se complique, je vois des ombres qui rappliquent. Je tombe en embuscade avec trois gangsters, pire que des militaires en colère. Grâce à la grammaire et au vocabulaire d'un guide que mon boss m'a offert et appris pendant le trajet en charter, j'aspire et leur dis d'un air fier. Songez aux effets secondaires, si je récupère un lance-pierre, je peux déraciner vos molaires ou ouvrir vos arcades sourcilières. Finalement, j'aurais dû me taire, je suis plus Gandhi que Schwarzenegger. Les trois bandits sortent un cutter. J'ai pas le temps de réfléchir sur l'antimatière. Je sprint avec détermination pour m'extraire de cette altercation. Je vous emmène au cœur de l'action, dans une des plus anciennes civilisations. En parcourant les terres, les rivages, j'enregistre une musique, reportage. Je prends des photos sur ma route, il fait beau, c'est le mois d'août. Avec des jeunes, je déjeune et je fais un foot. Je me mets à l'abri derrière une falaise, fallait s'en douter, la mission s'achève. Mais une belle suite, le sort me réserve. Les journalistes m'accueillent, je deviens VIP, les paparazzi éblouissent mon orgueil, je me prends pour Daniel Auteuil.